Eh bien, bonjour à tous. Et oui, oui, on se retrouve de 16h jusqu'à 18h pour notre émission. Lola est revenue à pouvoir vous faire les horoscopes parce que moi, je n'y arrivais pas quand tu n'étais pas là. Tu vas m'aider. Oui, mais on va plus t'écouter, toi. Alors, on se retrouve pour une émission avec toujours nos petites chroniques qui sont à 16h30 le top 3 et à 17h30 l'horoscope. Et pour le top 3 aujourd'hui, ce sera un top 3 spécial. Ce sera le top 3 de toutes les musiques interprétées à l'Eurovision au Portugal. Donc on va écouter ça et voilà. Donc on va commencer l'émission. Et on vous laisse nous appeler pour dire des petites dédicaces, des petits messages au numéro que vous connaissez tous. Le 02 38 43 48 00. Donc pour dire les musiques que vous voulez écouter pendant cette émission. Maria, c'est des piquants, oh, soldats, soldats. Maria, quel de paix. Non, c'est pour moi, Brendan. Pour tes bouquets, pour bien ficar. Pour ta saudade, la paix dans nos pétous, il doit y aller. Sur nos réseaux sociaux de la radio, de notre compte avec vous-radio, nous avons fait des petits sondages ces dernières semaines. Et aujourd'hui, nous avons fait un petit sondage, ou plutôt hier, sur quelle est votre musique du moment. On a eu quelques réponses, donc on va avoir nos petits moments avec toute votre musique du moment que vous écoutez, qui vous donne la joie et tout. Et on vous laisse aussi nous appeler pour vous nous dire quelle serait votre musique du moment et que vous avez envie d'écouter à la radio. Un gros bisou en lui mettant sa musique préférée qui est Oh Mayo Oh Mayo. Chocolate. No voy a escuchar si no es pa' pagarme. Cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais. Um love que não fura a pele. Prazer que marca sem marcar. E quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo. A minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar. E a madrugada foi embora, eu quis ficar. Fez delícia. Teu beijo reverou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia. Você viralizou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Só tá dando você. Minha vida na cama, na dor, no prazer. Meu corpo te chama. Pegada também soube me pegar. Da madrugada foi souhaiter une bonne, enfin un bon commencement de saison, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le printemps. Et oui, aujourd'hui, nous sommes partis dans une nouvelle saison, le printemps, qui se voit aujourd'hui avec le beau soleil. Tu as fait quoi aujourd'hui? Ce matin, à l'école. Et puis, ce midi, on a mangé avec Mathis au Burger King. Oui, pas très raisonnable quand même. Hein. Et puis, on est venu à la radio, on s'est baladé, et puis voilà. Et etc. Et voilà, je voulais dire. Et vous, que faites-vous en ce moment avec ce beau temps, on va dire? Oui, quand même. Du jardinage. Je sais que mamie nous écoute et est en train de faire son petit jardinage ou son ménage. Et maman doit nous écouter en travaillant un peu. Sinon, il y a de la cuisine ou même sortir se promener. Oui, voilà. Ou soit ceux qui rentrent du travail déjà. Oui, aussi. Il y en a qui finissent déjà le travail. Ou qui sont en train de bouger, etc. On vous souhaite un très joyeux printemps au passage. avons une dédicace de Madame Moutineau pour tous ses petits-enfants, donc Mathis, Alexandre, Lorenzo, Nolan, Timéo et Maël, pour leur dire qu'elle les aime et qu'elle les embrasse. Passer à notre première chronique sur les top 3 aujourd'hui qui seront sur les Eurovisions passées du Portugal. Donc on va partir en 2022 avec la musique Saudade Saudade de Maro qu'elle avait interprétée pendant l'Eurovision. Donc nous allons écouter cette musique. Time, alright, and I know it's no one's. Soda de Maro. Nous allons passer à la prochaine musique qui est de l'Eurovision dernière, le 2023. Mimika, qui a interprété Aikola-san, qui nous a représenté à l'Eurovision 2023. On écoute. Capaz, tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me a cada dia pior. Hey! Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca completamente sem mim. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá. Que te fazer amor para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais seu. Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu. Sou uma grande confusão. Ah! O peito a arder, a boca seca, eu sei lá. Ay, cool, au sein de Mimika. Nous allons passer à la prochaine et à la dernière du top 3 des musiques de l'Eurovision portugaise. Et c'est celle qui nous représentera cette année pour l'Eurovision 2024, qui débutera le 7 mai et on saura le verdict final le 11 mai. Donc nous allons écouter la musique qui nous représente, qui est interprétée par Yolanda, qui se nomme Grito. Donc on va écouter la musique qui nous représentera. Seguimos assim, e outro, e outro, e outro. Só queda ali. Aviso quando lá chegar. Entrego-me aqui, pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Yolanda de Grito. Donc nous avons fini pour l'Eurovision des musiques portugaises qui ont été interprétées pendant les Eurovisions. Donc n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux quand nous ferons des sondages pour les prochains top 3 ou appelez-nous directement aujourd'hui au 02 38 43 48 00 si vous voulez découvrir un chanteur avec plusieurs musiques ou un pays comme on le faisait au début. Donc n'hésitez pas. On va écouter une musique dédicacée par Florence, qui veut écouter une musique de Claudia Naira, Rumba, Cigana, qui est sortie il y a à peine un mois. Donc on écoute. Abandonada, traída e maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço no meu esquema. Dançando rumba, fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço no meu esqueço. C'est sur le 96.2 FM. Quando estás colado em mim, saber que vais jogar. Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo.

Saison du printemps, donc qui dit saison du printemps dit soleil et dit quoi d'autre là? Dit jardinage, dit fleurs du coup. Oui. Et qui dit fleurs dit œillet. Ouais. Et qui dit œillet dit le bal. Le bal des 50 ans de la Révolution portugaise qui aura lieu le 13 avril prochain. Donc très bientôt, on va dire, mais à peine dans un mois, je crois. Oui, un mois, ouais. Qui sera venu Georges Ferrara, qui viendra nous composer toutes ses musiques, et accompagné de José Balthazar, qui nous fera le plaisir de animer le début de soirée et la fin de soirée. Donc à la salle Montisson, comme vous connaissez déjà, à 20h, donc on fêtera les 50 ans de la Révolution portugaise. Et on aura plein de surprises pour vous. On vous a quelques petites surprises. Donc on va continuer notre émission. On est là jusqu'à 18h. Il est 18h15, ça vient de passer. Et bientôt, c'est la chronique de Lola sur les horoscopes. Et elle nous fera le plaisir de faire... C'est quoi le thème d'aujourd'hui, les horoscopes? L'amour, l'argent... Aujourd'hui, soit amour ou argent et travail. Pas de soucis. Donc, madame l'horoscope. Je réfléchis encore. Elle fait dans sa petite boule. Elle fait ses petites manigances. Je la vois écrire depuis tout à l'heure. Donc, on vous dit à tout de suite encore en musique. On continue avec la musique de Momo Cash. Au contraire ou à mort. Quero te liberar, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero te liberar, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Vamos lá. Tal, tal, tal. Já me estou a passar com esta brincadeira. Está sempre a olhar para mim a noite inteira. Já me estou a passar com esta brincadeira. Está sempre a provocar-me, é de qualquer maneira. Mas ela é só pela sexy, ela é linda de morrer. Bola para mim com o dedinho da boca, vou enlouquecer. Quero te inebriar, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero te inebriar, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Olha a dança do tal, tal. Quero ver, quero ver. Tal, tal, tal. Já me estou a passar com esta brincadeira. Está sempre a olhar para mim a noite inteira. Já me estou a passar com esta brincadeira. Está sempre a provocar-me, é de qualquer maneira. Mas ela é top, ela é sexy, ela é linda de morrer. Bola para mim, com o dedinho na boca, vou enlouquecer. Quero te endiabrar, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero te endiabrar. J'avais une petite question pour toi, Lola. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a ce week-end ? Non. Ce dimanche, plutôt. Ce dimanche ? Oui. Eh bien, ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Tu sais ce que c'est, les rameaux ? Non. Les rameaux, à ce que je l'ai pris, qu'on m'a appris quand c'était petit, c'est pour donner un rameau d'olivier, je crois, une petite pâtisserie. Je dis peut-être vraiment des bêtises. Mais dans mes souvenirs, c'était ça. Pour nos parrains et marraines. Bon, moi, je lui achète plutôt un bouquet de fleurs à ma marraine et d'autres choses à mon parrain. Okay. Et ben, ce week-end, c'est ça. Donc, je fais déjà un gros bisou à ma marraine qui nous écoute. Je lui fais des gros bisous. Et à mon parrain qui nous écoute peut-être. Donc, je leur dédicace, cette musique qui commence déjà. Emmène-moi de Kalima. Donc, je leur fais de très gros bisous. Et peut-être à tous les parrains et marraines qui a, bientôt, le radio. Qui seront leurs fêtes dimanche 24 mars. On vous fait des bisous à tout le monde et voilà. Que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi les brodes. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi apache. shadow bed the deep. Amen. On va écouter comme prochaine musique, une musique qui a été demandée de Maxime, qui veut nous faire écouter une musique qu'il écoute en ce moment, qui se nomme Flamenco, Flamenco de Aritz. Donc on va écouter cette musique. My heart it beats flamenco, the more that we dance low, I'm losing myself to un echo de amor. One touch. Te doy, tú me das, este juego me pone. Piensa. Si llevamos disfraz, este sueño se rompe. Oh my. Un silencio de más y más me recorre. Cada secreto en tu piel es un boceto en mi piel. No more Toby. No more kissing a stranger. Cause they only good for a night. No more show me. Tú que ves desde fuera. Esta vez sea la buena ya. My heart it beats flamenco. The more that we dance slow, I'm losing myself to un eco de amor. Flamenco, te busco y te encuentro. Me das, yo me acerco a tu corazón. Our hearts beat in flamenco. Don't speak. Deja que solo seamos un sentimiento. Don't leave. No te vayas mañana, no remará el viento. No, no quiero que acabe tonight. Si es contigo me siento tan high. Dime cómo quieres, cómo quieres. Come on and show me. No more Toby. No more kissing a stranger. Cause they only good for a night. No more show me. Tú que ves desde fuera. Que esta vez sea la buena ya. Yeah. My heart it beats flamenco. I'm losing myself to un eco de amor. Flamenco, te busco y te encuentro. Me das, yo me acerco a tu corazón. Our hearts beat in flamenco. Flamenco, te busco y te encuentro. Me das, yo me acerco. Flamenco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Baila sin miedo flamenco. Que todo queme por dentro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vuela conmigo en silencio. Hasta el final de los tiempos. Y flamenco. Flamenco. Donc on écoute quand même une prochaine musique, une musique demandée sur nos sondages de Karine. Karine qui est sa musique du moment, qui est une musique de JNTK qui s'appelle Perdova. Donc on va écouter cette musique qui la met de bonne humeur dans la semaine, dans les mois, etc. Escolher a força de vencer, convencer decisivo. É pela coragem que alguém mantém uma parte de si vivo. Procurei caminhos e o que era para mim nunca foi decidido. Havia atitude para ter e perdi por não ter permitido. A mão que nos alicia não é a que mais nos acaricia. Por momentos até parecia que tinha as mãos dadas com quem me seguia. Vi tão perto que agora se afasta, coração aberto só trouxe desgraça. Tão certo que para ter o que me desgasta só basta ser eu. Demorei a encontrar. estrada. Senti que estava distante, não tinha brilho nem charme, nem me senti importante. Sempre que quis entregar-me, nunca fui suficiente. Eu só queria ser gente, eu só queria ser gente. Mas perdoa, se a voz que me soa não soa, se a asa que estendo não voa, se não tive tudo o que quis. Mas perdoa, se a minha vontade magoa, se a vida já não me abençoa, se ainda luto por ser feliz. É no declínio que eu vejo o fascínio de me superar a cada momento. Sem patrocínio de pacotes primo vendidos à pala do sentimento. Se tens um caminho para mim, define. Já fui mais exílio a perder tempo. É que eu não me alinho com falso domínio. Promessas bonitas levas o vento. Lutei, esperei, cansei de mim. Fugi, mudei, cheguei ao fim. Só Deus sabe como doeu ser eu de novo. Amei, sofri. Mas perdoa, se a voz que me soa não soa, se a asa que estendo não voa, se não tive tudo o que quis. Mas perdoa, se a minha vontade magoa, se a vida já não me abençoa, se ainda luto por ser alors, c'est parti, il va être 17h30, donc on va faire la chronique sur les horoscopes du jour, donc du 20 mars. Alors, on va commencer par les béliers, et j'ai choisi de faire essentiellement sur l'argent et le travail. Donc, pour les béliers, votre vie privée pourrait vous apporter une aide sérieuse dans certains projets, certaines ambitions. Toutes ces progressions s'effectuent dans la discrétion. Et un bon horoscope pour eux. Il faut qu'ils soient discrets. Est-ce que j'ai retenu ? Ouais. Donc, pour l'horoscope du taureau, donc bien sûr toujours sur l'argent et le travail, certains seront prêts à prendre de nouvelles responsabilités. D'autres devront peut-être mettre en place une nouvelle organisation. C'est le moment de lancer des projets. Il faut qu'ils réfléchissent à leur futur projet à devenir, à ce que je vois. On parle sur quel arbre c'est quoi le prochain? C'est les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux, même si vous vous sentez moins motivé par votre travail, vous marquerez des points importants, à part dans le cas d'un changement de carrière programmé. Ces bons résultats vous permettront d'accéder à des tâches plus intéressantes. Intéressant pour eux. Donc oui, vous montez en grade. En grade, en futurs travaux, qui est plutôt pas mal pour eux. Alors, le prochain. Ensuite, c'est le Cancer. Donc, bien sûr, mon signe, le meilleur. Ouais, ça reste un peu à voir quand même. Non, non, c'est incroyable. Moi, je dis que les Lions, c'est un peu mieux. Non, c'est mieux. Vous devriez prendre en compte ce que vous, oula, ce que vos collègues ont à vous dire. Cela ne vous fera pas vraiment plaisir. Certaines critiques pourront être très constructives. Tu vois, il faut que tu m'écoutes plus souvent. Ouais, c'est pas non, j'ai pas envie. Alors, c'est l'horoscope. Bah, les Lions. Ah bah voilà. Voilà le meilleur. Non. Votre dynamisme, et votre efficacité seront remarquées et appréciées. On pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Ne refusez pas sous prétexte que vous ne vous sentez pas à la hauteur. J'attends alors mon offre pour ne pas être... Bah, ton alternance. Je cherche, mais que je ne trouve pas. Oui, si vous avez des contacts dans l'événementiel, Ça oui, c'est ça. Mathis, il cherche une alternance l'année prochaine. Elle me fait ma petite publicité. Bah, faudrait que tu trouves, mon petit coco. Je suis à la recherche, ne t'inquiète pas. Bon. Les prochains. Alors, maintenant pour les vierges. Alors, votre créativité sera particulièrement féconde aujourd'hui. Vous pourrez prendre des risques calculés. L'important sera de mettre votre travail en avant. Vous serez peut-être la vedette du jour si vous osez présenter vos idées et vos projets. Donc, il faut qu'ils se lancent aussi dans leurs futurs projets aussi. Faut pas avoir peur. On fonce. Tout à fait. Alors, le prochain. Balance. Ah, balance. Pour remporter une affaire, vous aurez à mener une âpre négociation, mais votre vie professionnelle sera bien influencée par les astres. Vous vous démènerez pour réussir, ne mesurant ni votre énergie ni votre enthousiasme. Le mieux sera de remettre à plus tard les décisions financières importantes. Ah, ils ont le compte en banque à gérer. Donc, nous allons passer à un prochain signe, là. Il reste plus que quoi comme signe? On a fait Lion, Cancer, Gémeaux... Scorpion. Ah oui, j'ai oublié. Alors, Scorpion, des complications sont à prévoir dans votre vie professionnelle. Rien ne se passera comme vous le souhaitez. Vous ne verrez plus la fin de cette mauvaise journée interminable. Heureusement, vous n'aurez pas de mauvaises nouvelles dans le domaine matériel. Ah bah là, on leur souhaite bonne chance. Hein. Très bonne chance à elle. Ouais, ça a pas l'air d'aller cette journée. Mais on a tous des bons jours comme de mauvais. C'est ça. Donc maintenant, les Sagittaires. Les Sagittaires. Vous planifiez tout votre emploi du temps pour les semaines à venir. Rien de bien sérieux dans les projets futurs et vous aurez envie de perspectives plus grandes. Bon, il faut qu'ils voient plus haut. Maintenant... Les Capricornes. Alors, rien ne vous empêche de distiller un peu de fantaisie dans votre travail. Bon. Voilà, c'est tout court. C'est très net pour eux, très direct. Il faut mettre de la fantaisie, un peu de fun. Tout à fait. Pas mal. Il doit plutôt rester beaucoup. Verseau et Poisson, il reste. Bon, on va dire Poisson. Alors, Poisson... Ouh, c'est très très long. Argent et travail. Votre journée professionnelle s'annonce laborieuse et ponctuée de nombreux rendez-vous, mais votre dynamisme et vos idées originales vous rendront maître de la situation. Toutefois, ne prenez pas trop d'engagement. Dans le domaine des finances, les influx astraux seront favorables et vos projets n'auront besoin que d'un suivi attentif pour éclore. Si vous envisagez un achat immobilier et donc de faire un crédit, n'hésitez pas à mettre les banques en concurrence. Bon, un très long... Bon, très long ça se voit que les poissons, ils ont quand même de l'avenir, ils pensent à acheter... Acheter, à investir dans l'immobilier. Voilà. Et ben bon courage à eux. Et maintenant, on finit avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous pourriez être retardé dans la réalisation de vos projets. Ne vous préoccupez pas des imprévus sans gravité. Ne vous préoccupez pas, ces imprévus sans gravité ne remettront pas en cause votre sens des responsabilités. Eh ben merci madame l'horoscopière. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit quand même. Ouais. Eh ben merci beaucoup Lola pour ces horoscopes qui sont toujours très bien dits par toi comparé à moi les deux semaines où tu n'étais pas là. Donc voilà, la semaine prochaine, du coup, quasiment la semaine prochaine, nous serons présents. Et oui, parce que c'est le moment de nous dire ce qu'on vous réserve. N'est-ce pas, Lola ? Ouais. Alors, donc, la semaine prochaine, donc le 27 mars. Tout à fait, le 27 mars. Donc de 16h à 18h. On sera là. Exceptionnellement. Exceptionnellement, oui. Parce que d'habitude, c'est tous les 15 jours. Mais ouais. Exceptionnellement, nous serons là. Pour vous préparer une autre petite surprise, une annonce qu'on voudra vous faire et que on sera plusieurs à vous annoncer. Donc on vous en dit pas plus. On vous fera des petits sondages pour savoir qu'est-ce que vous pensez que ce qu'on vous prépare pour mercredi prochain sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook qui s'appellent

J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, oh, oh. Au rang de, au rang de. Laisse-moi t'élever. Et pour la prochaine musique, nous allons écouter une musique qui a été dite dans les commentaires de notre publication. D'une musique qui donnait la joie de vivre à Sandra. À Sandra qui a répondu à nos sondages et qui écoute très souvent dans la voiture cette musique qui est de Gims et Lossa, qui se nomme Loco, qui est sortie il y a à peine un mois. Donc on va écouter cette musique qui donne la joie de vivre. Amitié, fausse, moi ça rend loco, loco. Tout ce temps caché, moi ça rend loco, loco. Tout ça pour rien, moi ça rend loco, loco. Tout ça pour rien, moi ça rend loco, loco. Ma chérie me rend loco, bébé me rend loco. Ma chérie me rend loco, ma chérie me rend loco, bébé me rend loco. Ma chérie me rend loco, loco. La plus belle sur la photo, les jaloux sur mes côtes. Dis-moi on y va si tu me voles. J'ai senti mon mort. On voyage sur la côte. Bébé, j'paye le prix s'il le faut. Ah, s'il le faut pour toi. T'auras Chanel, Coco. Diamant en 5 mois, c'est fait. T'auras le même sur ton doigt. Amitié, fausse. Moi, ça rend loco, loco. Tout ce temps caché. Moi, ça rend loco, loco. Tout ça pour rien. Moi, ça rend loco. Avec un visu insolite, je suis dans un building en face de Bill Gates avec des logos maçonniques. On enchaîne les insomnies, j'atteins vitesse supersonique. 10 points sur le contrat, cancer au Qatar. Suis-moi si t'as l'air insolide. Mets de la gasolina, la gasolina. Vivons survivre ici, c'est ma souris. Amitié, fausse, moi ça rend le coloco. Tout ce temps caché, moi ça rend. Maintenant, nous allons écouter Whatever de Avamax, qui est une reprise tout simplement de Shakira. Tout à fait. Et, tout à fait. Voilà. Et c'est ta musique du moment ? Oh, j'aime bien. On écoute du coup ta musique. In my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together. I'll be hearing you say that, true things I never can. Whatever, whatever, 2 years later, forever. I'll be hearing you say that, won't see me cry, don't you? Maintenant, nous allons écouter Así el Vida. Nous allons écouter une autre musique qui s'appelle Senorita de Carlos Higg. Donc c'est parti. From Valencia to Ibiza, I think of you de noche y día. We're gonna sing a melodía. Mi infinita. Come on and give me tu sonrisa. From Valencia to Ibiza. A cinco pies de noche y día. We're gonna sing la melodía. Mi corazón te necesita. Qué bonita es la hipita. Baila conmigo, señorita. Miami me lo confirmó. Gente de Sonora. Puerto Rico me lo regaló. Repito, ni. Dominicana ya no es pico. Y del Caribe somos tú y yo. C'est le moment de se dire au revoir, de se dire à mercredi prochain, exceptionnellement du coup. C'est ça. On se dira à la semaine prochaine, mercredi prochain. Avec une petite surprise du coup. Avec une petite surprise à vous annoncer. Effectivement, toujours avec nos chroniques du top 3. Donc on vous laissera répondre au sondage. Et l'horoscope bien sûr. Et l'horoscope. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour savoir quelle surprise vous attend la semaine prochaine. Il y aura quelques petits indices. Et quelques petits indices, des petits questionnaires, des petits jeux pour que vous trouverez et vous découvrirez ça mercredi, donc toujours à la même heure, de 16h à 18h. Donc on va se quitter aujourd'hui. N'oubliez pas les rameaux ce dimanche 24 mars. Et on va laisser la place à l'émission traditionnelle de Violette. Donc on lui dit bonne émission et à très bientôt à tous, à vous tous. Au revoir.